Portrait d'assaut sur Fadjet. Portrait d'assaut, et aujourd'hui on parle d'Espagne, plus particulièrement de culture hispanique, et ça se passe au sein de l'association Casa de España à Nancy. Pour nous en parler, on accueille aujourd'hui Madame Cristina Diego, présidente de l'association. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour vous présenter votre association. Donc il me semble que c'est une association assez jeune. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu son histoire, quand est-ce qu'elle a été créée, etc. Oui, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir proposé de venir aujourd'hui parler de l'association, parce que c'est vrai qu'on manque un petit peu de visibilité. Le monde associatif à Nancy, je l'ai découvert, il est vraiment très important. Il y a beaucoup d'associations et parfois, il n'y a pas vraiment moyen de savoir qui fait quoi, quelles sont les associations à Nancy. Donc, c'est vrai que venir ici parler de l'association aujourd'hui, c'est une chance pour nous, parce que ça nous permet de mieux nous faire connaître. Donc, effectivement, c'est une association toute récente. Elle a été créée pendant la pandémie, donc ce n'était pas le meilleur moment pour créer une association, surtout culturelle. En réalité, on a commencé nos activités en 2022, donc c'est vraiment tout récent. La soirée d'inauguration de l'association a eu lieu en décembre 2021, le 16 décembre, et on a eu la chance d'avoir assez rapidement pas mal de soutien institutionnel. Il y a le consul d'Espagne qui est venu pour l'inauguration de notre association. Et on a eu aussi la présence d'Antoine Le Soleuse, qui est délégué aux affaires européennes de la mairie de Nancy. Donc, l'idée de l'association, c'est de faire connaître la culture espagnole et plus largement hispanophone, voire ibérique, sous toutes ses formes. Mais c'est avant tout et essentiellement une association culturelle. Je fais cette précision là tout de suite parce que souvent on nous demande si on n'organise pas des petits séjours linguistiques ou si on ne donne pas des cours des langues ou si on ne donne pas des cours de flamenco, etc. Pour cela, il y a déjà pas mal d'associations à Nancy. Et il y a aussi les MJC qui proposent beaucoup de langues, etc. Donc c'est pas du tout notre créneau. Nous, ce qu'on veut, à la limite même, c'est un peu de sortir du stéréotype et de montrer que la culture espagnole va bien au-delà du flamenco, même si on adore ça, et j'y reviendrai parce qu'on a organisé un spectacle de flamenco également. Mais ça va vraiment au-delà de tout cela et montrer qu'il y a vraiment une diversité culturelle extrêmement riche. Il s'agit effectivement de montrer au public nancéien qui a une culture espagnole, montrer cette culture-là. Et je dois dire que on est en train effectivement de proposer des choses pour lesquelles il y a vraiment une demande. Il y a beaucoup de nancéiens qui ont envie d'en savoir plus sur la culture espagnole et ils nous le montrent quand ils viennent effectivement à chacune des activités qu'on leur propose. Je précise juste pour finir aussi que c'est une association qui s'adresse surtout à un public, on va dire, francophone. Nul besoin de maîtriser l'espagnol pour faire partie de l'association, puisque nos débats, conférences, etc., se font en français, mais sur un sujet hispanique. Vous avez parlé un peu de spectacle flamenco, de conférences, de débats, donc est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les différentes activités qui ont déjà eu lieu ou que vous organisez ? Notre première saison culturelle, c'était en 2022. Et là, on avait commencé par quelques conférences. La première conférence qu'on a proposée, c'était autour de la place des femmes en politique en Espagne et en Amérique latine. Donc, vous voyez déjà un petit peu la couleur du type de débat, du type de réflexion qu'on propose. Donc, c'était une conférence qui avait été donnée par une enseignante chercheuse ici de l'Université de Lorraine. À la suite de cette conférence, il y avait eu un débat assez passionné. Ça, c'était en janvier 2022. On a continué un mois après avec une autre conférence autour de l'Académie espagnole de la langue. C'est un petit peu l'équivalent de l'Académie française, avec ses enjeux, les problèmes, notamment les débats Espagne-Amérique latine, qui se posent aussi pour la langue française, parce que la langue, comme on le sait tous, c'est un outil aussi politique, c'est pas que linguistique. Et ensuite, on a continué avec des concerts, c'est un petit peu aussi le cœur de notre association, c'est proposer des concerts de qualité. Et donc, on a organisé au Grand Salon de l'Hôtel de Ville à Nancy un concert de clavecin. C'était sauf erreur de ma part, la première fois qu'on donnait un récital des clavecins. Alors c'était en lien aussi avec le roman d'une écrivaine de Nancy qui s'appelle Hélène Gestern, que certains des auditeurs connaissent peut-être, qui a écrit un roman qui s'intitule 555, qui a eu beaucoup de succès. Elle a eu par exemple le prix de RTL parmi d'autres. Et donc c'est un roman qui s'articule autour de Scarlatti, qui est un compositeur italien qui a fait toute sa carrière en Espagne. Et donc à partir de ce fil conducteur, on a proposé un récital avec la lecture par l'autrice elle-même. Donc c'était un grand moment très émouvant. Ensuite, on a continué avec un autre concert qui a été donné au Temple de Nancy autour de la musique ancienne espagnole. Donc 16e, 17e, 18e siècle. Là, on avait un grand chœur, orchestre. C'était là aussi un concert assez important, très engageant parce qu'il y avait beaucoup de public et aussi beaucoup de musiciens. Et puis, on a fini avec un autre de nos point fort qu'on veut développer même davantage, c'est le ciné-club. C'était La mort d'un cycliste de Bardem, qui est un des films un peu cultes des années 50 en Espagne, critique avec le régime franquiste, mais pas trop, puisque c'était pendant le franquisme en Espagne. Donc tout le débat qu'il y a eu aussi après le film, c'était autour de cette façon qu'avaient les réalisateurs de critiquer sans critiquer, voilà, toute cette dialectique très complexe. Donc ça, c'était l'année dernière. Comme vous le voyez, pour notre première saison, c'était assez intense. Et ensuite, la deuxième saison, on est en train de préparer la troisième. Hein. Ça va commencer en novembre. Peut-être qu'on y reviendra. Et donc l'année dernière, c'était un petit peu le même type d'activité. On a commencé par une conférence autour de l'art omeyyade à Cordoue, avec beaucoup d'images. Et là, je tiens à préciser que ça s'est fait avec en collaboration avec l'association Garenne, parce que notre objectif aussi, et ça c'est dans nos statuts, c'est d'enrichir l'offre culturelle nancéienne grâce aussi à des partenariats avec d'autres associations culturelles. Donc on l'a fait avec Garenne pour la saison dernière. Cette année, on va le faire avec l'association culturelle juive aussi. Ben, voilà, on a un certain nombre de projets en tête. Donc voilà, on avait commencé notre deuxième saison culturelle avec cette conférence. Ensuite, on a enchaîné aussi au Grand Salon de l'Hôtel de Ville. Je crois que ça deviendra peut-être une... quelque chose d'assez récurrent, parce que c'est vrai que le lieu est magnifique. Ça coûte un petit peu cher, donc si à l'adjointe aux associations qui m'entendent, une petite aide serait la bienvenue. Mais c'est un lieu vraiment magique. Et là, on a proposé cette année, c'était un concert violoncelle et piano autour des compositeurs espagnols du 20e siècle essentiellement, fin 19e, 20e. Donc Joaquín Nin, le père d'Anaïs Nin, qui était un espagnol, un compositeur très connu en Espagne, fin 19e, début 20e, Falla, bien sûr, et puis des compositeurs contemporains espagnols, et surtout compositrices. Donc les musiciens ont joué des pièces des compositrices assez jeunes, d'ailleurs, donc c'était là aussi un moment assez intéressant. Ensuite, on a enchaîné avec le ciné-club, toujours, cette fois-ci, c'était Cria Cuervos, parce que beaucoup de nos adhérents étaient très intéressés par ce film, là aussi un peu film culte, qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes, et qui a fait un petit peu connaître le cinéma espagnol en France, avec débat, bien évidemment. Et ensuite, une nouvelle conférence, cette fois-ci autour des jardins botaniques en Espagne. L'histoire des jardins botaniques, c'était quelque chose de très intéressant, passionnant même. Et le lieu était très bien choisi aussi. Ça s'est passé à l'Orangerie à Nancy. On a fait venir quelqu'un qui est spécialiste en fait des jardins historiques, un diplômé de l'école de paysage de Versailles. Et enfin, on a fini, et là cette fois-ci c'est nos adhérents qui voulaient vraiment cela, on a fini début juillet avec un beau spectacle de flamenco qu'on a organisé à la MJC Lillebonne. Comme l'association est assez jeune, vous l'avez dit, les activités ont réellement commencé qu'en 2022, est-ce que vous avez quand même des bénévoles? La CASA, comme toutes les associations à Nancy, c'est un problème récurrent identifié. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux activités des associations, mais quand il faut travailler, c'est toujours compliqué de mobiliser les gens, parce que comme dans beaucoup d'associations, il y a des retraités qui travaillent, c'est vrai, mais qui ont des rythmes qui ne sont peut-être pas les mêmes, ou des façons de travailler qui ne sont peut-être pas les mêmes, des contacts aussi qui sont pour certains peut-être un peu dépassés. Alors c'est une aide incroyable qu'on doit absolument saluer. Mais le problème aussi, c'est que les adhérents plus jeunes n'ont pas le temps parce qu'on est tous pris par le travail, par nos multiples activités, etc. Donc pour répondre à la question, oui, il est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est très engageant, c'est très prenant. L'organisation, imaginez par exemple un concert comme on avait fait au Temple avec une bonne quarantaine de musiciens. Enfin, la préparation d'un concert comme ça, il fallait déplacer le clavecin, les instruments. Enfin, il y a les répétitions avant. Voilà, c'est très engageant et heureusement qu'on est encore très motivés et très passionnés parce qu'effectivement, on n'est pas très nombreux à travailler dessus. Cela étant, vu la demande qu'il y a à Nancy, on continuera, même si on n'est pas très aidé, même si on n'est pas très soutenu financièrement. Là aussi, c'est le cas de beaucoup d'associations. Et je le crains de beaucoup d'associations culturelles. C'est compliqué, je crois, pour les associations strictement culturelles, qui ne sont pas si nombreuses que ça. Il y a beaucoup d'associations, mais strictement culturelles, pas vraiment. Il faut mobiliser un peu plus de subventions, d'argent. Il faut mobiliser plus d'adhérents. Il faut plus de monde pour nous aider. Donc, peut-être qu'après cette émission, il y aura beaucoup de personnes intéressées par l'association qui viendront nous voir et qui pourront peut-être aussi nous donner un coup de main. Eh bien justement, si jamais on veut adhérer à votre association, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on vous contacte? On a une page web, c'est www.casadenancy.org. casadenancy.org. Dans cette page web, il y a un résumé de nos activités. On présente un petit peu l'association, on montre ce qu'on a fait. Il y a l'agenda culturel. Et il n'est pas encore mis à jour parce que, comme j'étais en train de vous l'expliquer, on est en train maintenant de réfléchir à la prochaine saison. Mais on est en train de finaliser ce travail-là. Parce qu'on commencera au mois de novembre. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir aussi avec une conférence qui, j'espère, va intéresser beaucoup des gens et pas que des personnes, on va dire, hispanophiles ou intéressées par la culture espagnole. Donc, on a aussi, comme je disais, une adresse, c'est casadenancy54, tout attaché, @gmail.com. On a aussi une page Facebook, Casa d'Espagne à Nancy. Si on veut savoir un petit peu ce qu'on fait et connaître un petit peu nos activités, j'invite tous nos auditeurs à aller visiter notre page web où il y a aussi l'onglet adhésion et vous pouvez avoir toutes les informations sur l'adhésion. Et alors, qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle saison 2023 à la Casa? Qu'est-ce que vous avez prévu? Au mois de novembre, on aura la chance d'accueillir Nancy, une femme très engagée, très militante, qui est en fait présidente d'une association assez connue en Espagne, qui milite en faveur des femmes qui ont subi toute forme de violence sexuelle, au travail aussi. Vous savez que l'un des problèmes auxquels on tourne le dos, c'est l'esclavage sexuel aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont parfois kidnappées dans leur pays d'origine ou qui viennent sous des prétextes différents et qui sont utilisées comme des esclaves sexuels. Donc c'est une association qui s'occupe de ces problématiques-là qui sont très très dures, mais qui nous concernent tous. C'est pas que l'Espagne. Et donc, on est en train d'organiser une petite conférence débat autour de ces questions-là. Alors, pour alléger un petit peu l'ambiance, il n'y aura pas que des sujets lourds, évidemment, parce qu'on compte continuer notre petite tradition des concerts au Grand Salon de l'Hôtel des Villes. Cette fois-ci, on a une surprise. On va faire venir des musiciens locaux, des musiciens de très, très grande qualité, notamment une chanteuse accompagnée d'un pianiste qui vont jouer des poèmes de Lorca parmi d'autres poètes espagnols et aussi de Pessoa, le grand poète portugais qui est à peu près contemporain. Hein. Et donc, ça sera une lecture, récital, concert, poésie, musique. Et il y aura probablement aussi un peu de flamenco parce que ça a eu beaucoup de succès l'année dernière. Des conférences aussi, voilà. Et Cineclub, c'est sûr aussi. Et si on veut participer aux différentes activités de l'association, comment ça se passe? Est-ce que c'est payant? Effectivement, nous, on encourage les gens intéressés par nos activités à devenir adhérents parce qu'on parlait tout à l'heure des subventions, c'est difficile d'avoir des aides institutionnelles hein, et de plus en plus, hélas. Donc, on fonctionne quasi exclusivement exclusivement avec nos adhésions, mais on tient en même temps à pouvoir diffuser de la manière la plus large et la plus démocratique possible. Donc la plupart de nos activités sont des activités gratuites pour tout le monde, adhérents et pas adhérents. Alors pour effectivement les concerts, parfois on demande une petite participation, notamment quand ça se passe au salon de l'Hôtel de Ville qui est une salle très chère à la location, mais ça ne dépasse jamais les 10-12 euros, évidemment avec une réduction pour nos adhérents. Mais sinon, toutes les autres activités, ciné-club, conférences, etc., elles sont toutes gratuites pour tous. Eh bien, merci beaucoup, Madame Christina Diego, pour cette interview. Tout ça, ça se passe à la Casa d'Espagne à Nancy. Le site, donc, www.casadenancy.org. Si vous voulez retrouver les différentes activités de l'association, c'est là que ça se passe. Encore une fois, merci beaucoup, Christina Diego, pour... Merci beaucoup à vous. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.